Bienvenue sur Movie Show. Aujourd'hui, c'est un grand jour, car c'est le premier épisode de ce podcast. Et surtout, car aujourd'hui, on est le mercredi 6 mars 2019. Et c'est aujourd'hui qu'est sorti Captain Marvel. Ceux qui connaissent Marvel, vous en avez entendu parler et vous l'attendiez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez me demander, mais c'est quoi Captain Marvel? C'est qui Captain Marvel? Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. Captain Marvel est un personnage créé par Stan Lee en 1967 et c'est la première fois dans le Cinematic Universe de Marvel, le MCU, qu'une femme est l'actrice principale d'un film. Du coup, sur ce film, il y a un enjeu. Premier film féminin, est-ce que le film va être lui-même féminin? Est-ce que Marvel va réussir ce qu'a fait DC il y a quelques années avec Wonder Woman? Sur ça, on peut y répondre rapidement. Oui, Marvel a réussi pour moi. Après 10 ans de films, Marvel avec seulement des hommes à la tête de ces films, Marvel a pour moi réussi à créer quelque chose. Déjà, ce n'est pas une origin story habituelle, rien que sur le début, et on en reviendra un peu après sur le début du film, mais rien que sur le début, c'est pas comme dans les autres films. On sent qu'il y a quelque chose d'autre. Déjà, nous-mêmes, on est un petit peu perdus, du coup. Tout comme l'actrice, tout comme Carol Danvers, donc Captain Marvel, elle est perdue, elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle a une perte de mémoire, elle a un trou de 6 ans dans sa tête. Donc nous, en tant que spectateurs, on est comme elle. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, en fait. Il y a le générique qui apparaît. Marvel Studios, le logo, avec l'hommage à Stan Lee. Et on est directement sur un plan qui est quand même assez étrange pour une origin story, je trouve. Et c'est là où Marvel a réussi, c'est qu'il y a du renouvellement. Rien que dans l'histoire en elle-même, dans la construction de l'histoire, et je m'y attendais, de ce qu'on entendait et des premières images qu'on a eues depuis la bande-annonce, on s'attendait à ça. On s'attendait à ce qu'on ait des problèmes au niveau de la temporalité, au niveau du passé de Carol Danvers. L'histoire, elle est construite de façon à ce qu'on soit perdu comme l'héroïne. Et ce qui est bien, c'est que on n'a pas à attendre, en fait, on n'a pas à attendre à avoir une vie de galère et bim, quelque chose arrive et là, waouh, la personne a des pouvoirs et elle réussit à tout changer autour d'elle et à faire le bien. Non, là, on rentre sur un film où l'héroïne Captain Marvel, elle a déjà ses pouvoirs, mais c'est pas qu'elle sait pas s'en servir, mais c'est qu'elle ne sait pas qui elle est. Et nous-mêmes, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas qui sont les méchants. En réalité, le film ment, le film nous ment, et on a un petit dénouement au final qui est plutôt pas mal, même si on peut s'y attendre, même si beaucoup de personnes s'y attendaient, il y avait beaucoup de théories sur ça, et oui. Ça a été confirmé au final, mais en soi, on n'en veut pas à Marvel, on n'en veut pas. Ok, le film au final est, je dirais pas prévisible, quoique il est légèrement prévisible. Au final, on a quand même des bonnes surprises, mais c'est pas ce qui compte en soi sur ce film là. C'est pas qu'il soit prévisible ou non, c'est la façon dont il est construit, et je trouve que Marvel marque encore des points, c'est qu'ils osent faire des choses. Et là, ils ont osé faire quelque chose qui change pour une fois. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Ça, c'est les codes typiques des films super-héroïques et Marvel. Donc oui, on a de l'invasion extraterrestre qui est plutôt bien placée et où, pour une fois, les extraterrestres moches et effrayants sont en réalité des personnes adorables. Donc oui, on est en temps de guerre, on a fait des choses désastreuses, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu ou qu'on a très rarement vu ce genre de choses se passer dans un film Marvel. C'est-à-dire que pour une fois, on pense à une invasion extraterrestre, à une extermination ou autre venant de quelqu'un, et habituellement on s'y tient. Or là, on nous a trompés. C'est-à-dire qu'on pensait être avec les gentils dès le départ, et au final, non. Carol Danvers a été manipulée par les Kree qui lui faisaient croire que les Skrulls étaient les méchants, alors que les Skrulls ont demandé qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre tranquillement et trouver une nouvelle planète. Et c'est là où le film est encore une fois fort, c'est que ça casse les codes. Ça casse les codes et ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment? Carol Danvers, jouée par Brie Larson, est la parfaite incarnation de Captain Marvel. Elle arrive parfaitement à retranscrire cette fille perdue, mais sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, sans même réellement le savoir à ce moment-là. C'est compliqué, mais comment dire? Elle sait qu'elle est forte, elle sait qu'elle est déterminée, elle sait qu'elle a énormément de capacités, mais elle est bridée. Bridée par les cris qui lui ont implanté quelque chose qui fait que ses pouvoirs ne sont pas au maximum de ses capacités, mais bridée aussi par son passé. Elle a beau ne pas avoir besoin, sur le coup, de savoir qui elle est réellement, au fond, ça touche tout le monde. On a tous besoin de savoir d'où on vient, de savoir ce qu'on est, pour savoir où on va. Et Brie Larson est parfaite pour ça. Son jeu d'actrice est vraiment pas mal. C'est-à-dire que on voit sur son visage qu'elle est forte, mais aussi perdue. On voit beaucoup d'émotions. J'ai aimé deux scènes. Et ces deux scènes d'émotions, je trouve, qu'il y a dans ce film avec la meilleure amie de Carol Danvers. Et je pense que dans une origin story, on a besoin de ça. Ils sont pas partis, ils sont pas, ils ont pas, comment dire, ils ont pas osé partir dans le cliché une amourette. Il y a une amourette. Oh bah tiens, Carol Danvers. Bon bah on va lui mettre un mec sous le bras et puis on va créer une histoire d'amour autour de ça. Non, l'histoire d'amour en fait, elle est dans l'amitié. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là où on se dit, il y a quand même des ressemblances avec Captain America. Oui, il y a des ressemblances avec Captain America, ça c'est sûr. Et il en faut. Parce qu'il faut pas oublier que Captain Marvel est censé remplacer Captain America par la suite. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Et oui, elle va y mettre un terme à la guerre. Alors, on n'a pas toute la fin de l'histoire parce que le film s'arrête quand même assez au niveau de la guerre, au niveau de son combat. On sait qu'il y aura une suite à Captain Marvel, on sait qu'il y aura une suite, ça c'est sûr. Parce que le laps de temps entre Avengers Endgame, prochain film où elle apparaît, et Captain Marvel, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quand même plus de 20 ans qui s'écoulent et on ne sait pas, et je pense pas qu'on aura des réponses maintenant. Par contre, on peut se poser des questions et on peut déjà penser certaines choses. Ça, c'est sûr, on a quelques indices sur ça. Mais oui, elle va y mettre un terme à la guerre, et moi je pense à la guerre contre Thanos. Parce que oui, Captain Marvel apparaîtra bien dans le prochain Avengers, Endgame, et c'est sûr qu'elle va le démonter. Enfin, elle est surpuissante, ses pouvoirs sont incroyables. Aucune égratignure tout le long du film. Elle défonce un vaisseau avec son poing. Enfin, c'est quelque chose, et je pense qu'on va avoir de belles scènes grâce à Captain Marvel dans ce prochain Avengers. Ça, c'est sûr. En parlant du prochain Avengers, restez, mais vraiment restez, restez pour la scène post-générique, la toute première scène post-générique où on voit pour la première fois une minute entière d'Avengers Endgame. Et là, j'étais devant l'écran et je me suis dit, What? Mais quoi? On sait que la promo d'Avengers se situe que sur les 20 premières minutes du film, et ce qui est quand même étonnant, c'est que Captain Marvel arrive dans ses 20 premières minutes au final, parce qu'on la voit là dans la scène post-générique, on la voit face aux autres Avengers, on la voit face à Captain America, on la voit face à Black Widow. Et là, j'ai envie de dire, je veux la voir, enfin, je veux voir Avengers, ça c'est sûr. Y a pas d'autre mot, je veux voir Avengers, mais pourquoi je veux voir Avengers? Pour plein de choses. Mais Captain Marvel en fait partie. Ça, c'est sûr. Donc pour conclure, je vous conseille d'aller voir Captain Marvel, car au final, c'est une origin story, mais pour plusieurs choses. C'est une origin story pour une héroïne qui a énormément de capacités et d'avenir, je pense. Et c'est une origin story pour plein de petits détails sur Nick Fury, sur les Avengers. C'est quand même dans ce film-là qu'on apprend pourquoi les Avengers s'appellent Avengers. Enfin, rien que pour ça, rien que pour ce petit clin d'œil, il faut aller le voir. C'est pas du tout comme Ant-Man 2, qui se situait juste après Avengers 3, et qui pour moi ne méritait pas d'être à cette place-là dans le MCU. Mais Captain Marvel, un film qui se passe avant les événements de la fin d'Avengers 3, est le parfait film pour faire la transition avec Avengers Endgame. Du coup, on va terminer cet épisode. Merci d'être venu écouter cette petite critique avec spoiler, ça c'est sûr, je vais le mettre dans la description quand même. Et je vous laisse sur un extrait de la musique qui devrait être dans la prochaine bande-annonce d'Avengers Endgame. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!